Salut à toutes et tous, on est le lundi 27 avril et vous êtes bien sur Radio Cayenne, comme chaque lundi à 19h sur radio.antirep.net. Et bienvenue dans ce cinquième épisode de la chronique sur la surveillance numérique. Aujourd'hui, on va continuer à parler de l'appli Stop Covid, même si ce n'est qu'un élément de la surveillance numérique et du flicage, et même si c'est loin d'être le seul truc merdique qui nous tombe sur la gueule. Et oui, désolé, on va encore parler du coup de cette merveilleuse idée de nous faire porter un mouchard et de créer une brigade sanitaire de 20 à 30 000 personnes. Vous vous rappelez du principe de l'appli ? Non ? Allez, on refait une explication mais vraiment vite fait. Du coup, l'idée de l'appli, c'est de pouvoir retracer les contacts qu'a eu une personne contaminée par le Covid-19. Pour ça, les scientifiques et les ingénieurs ont eu l'idée pas très originale d'utiliser le mouchard le plus répandu au monde, le smartphone. Plus précisément, il s'agit ici, grâce à l'application Stop Covid donc, d'utiliser le Bluetooth pour dresser une liste des smartphones ayant l'appli activée qu'on a rencontrée. Si tu utilises l'appli et que tu tombes malade, tu peux le déclarer et les smartphones qui apparaissent dans ta liste sont prévenus. Tout ça de manière anonyme, évidemment, comme nous l'indique Cédric O, secrétaire d'État au numérique. Tout est crypté et anonymisé. Je te jure, il me saoule, c'est grave. Eh ben, anonyme, c'est pas si sûr. C'est d'ailleurs ce qu'explique un texte écrit par une quinzaine de chercheurs et chercheuses dont la moitié travaille à l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, qui est un établissement public de recherche en France, et qui travaille sur l'appli Stop Covid. Dans ce texte, qui s'appelle « Le traçage anonyme, dangereux oxymore », ils et elles alertent sur les risques d'une appli de traçage des contacts. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce texte, c'est qu'il s'adresse à des personnes qui ne sont pas spécialistes en informatique ou en cryptographie et qu'il explique, en 15 scénarii, comment c'est possible de détourner le fonctionnement de l'appli pour désanonymiser, vendre des données ou encore créer de fausses alertes. Une partie des exemples choisis me parle pas forcément. Par exemple, j'ai pas spécialement envie de lutter contre les cambriolages et je me fous de savoir qui va gagner la Ligue des Champions. Et certains termes comme « militant anti-système » sont questionnants. Mais comme ces scénarios montrent des limites de l'appli et des manières de la détourner, j'avais quand même envie de vous les présenter. J'ajoute aussi qu'ils ont quand même plus de sens avec le texte qui les accompagne, et du coup je vous invite à aller les lire sur risquetraçage.fr, risque au pluriel, traçage au singulier et sans cédille.fr. Allez, c'est parti. Scénario 1, la fausse déclaration. Le joueur de foot Ronaldo doit disputer le prochain match de Ligue des Champions. Pour l'empêcher de jouer, il suffit pour un adversaire de laisser son téléphone à côté de celui de Ronaldo à son insu, puis de se déclarer malade. Ronaldo recevra une alerte car il aura été en contact avec une personne infectée et devra rester 14 jours éloigné des terrains. Cédric O et Olivier Véran ont expliqué qu'ils envisageaient que les déclarations ne puissent se faire qu'avec un flashcode délivré par un toubib. Mais quand on sait que l'accès aux tests est encore limité et qu'une grande partie des consultations médicales se font par visioconférence, voire par téléphone, l'obtention du flashcode n'est pas forcément un obstacle insurmontable. Les trois scénarios suivants expliquent qu'il est possible, quand on reçoit une alerte qu'on a croisé quelqu'un qui s'est déclaré malade, que dans certains cas, il est possible de faire des déductions assez facilement, sans avoir besoin d'aucune connaissance informatique. Scénario 2, le suspect unique. Monsieur Lambda, qui pour éviter la contamination ne sort de chez lui que pour faire ses courses à l'épicerie du quartier, reçoit une notification de son téléphone. Il en déduit que le responsable n'est autre que l'épicier. Scénario 3, le croisement d'informations. Madame Tout-le-Monde, qui elle croise beaucoup de monde dans la journée, reçoit une notification. Il lui suffit de discuter quelques instants avec son voisin de palier et un collègue de bureau pour savoir que le malade ne fait pas partie de son entourage professionnel mais qu'il habite l'immeuble. Grâce à ces indices, elle suspecte fortement, peut-être à tort, monsieur Harisk du troisième étage, qui est ambulancier, d'avoir contaminé tous ses voisins. Elle s'empresse de prévenir le reste des habitants de l'immeuble via les réseaux sociaux. Scénario 4. Mes voisins sont-ils malades ? Monsieur Hypochondriaque voudrait savoir si ses voisins sont malades. Il récupère son vieux téléphone dans un placard, y installe l'application TraceVirus et le laisse dans sa boîte aux lettres en bas de l'immeuble. Tous les voisins passent à côté à chaque fois qu'ils rentrent chez eux, et le téléphone recevra une notification si l'un d'entre eux est malade. Les scénaristes 5 et 6, eux, montrent qu'il est tout à fait possible de cibler une personne en particulier pour être au courant si elle tombe malade. Scénario 5, l'entretien d'embauche. L'entreprise Ripoux souhaite recruter une personne pour un CDD. Elle veut s'assurer que le candidat ne tombe pas malade entre l'entretien d'embauche et la signature du contrat. Elle utilise donc un téléphone dédié qui est allumé uniquement pendant l'entretien et qui recevra une alerte si le candidat est testé positif plus tard. Scénario 6, les paparazzi. Monsieur Paparazzo cherche des informations sur la vie privée de Madame Star. Il soudoie Madame Rimmel, la maquilleuse, qui intervient sur le tournage de son dernier film pour qu'elle allume un téléphone dédié et qu'elle le place à proximité de celui de Madame Star. Monsieur Paparazzo récupère ensuite le téléphone. Il recevra une notification si Madame Star est infectée par le virus. Les trois scénarios suivants montrent qu'on peut faire croire à quelqu'une qui, elle, risque d'être malade. Scénario 7, le militant anti-système. Monsieur Anti, qui présente des symptômes de Covid-19, est un militant anti-système. Pour dénoncer la mise en place de l'application TraceVirus, il attache son téléphone à son chien et le laisse courir dans le parc toute la journée. Le lendemain, il va voir le médecin et est testé positif. Tous les promeneurs reçoivent une notification. Scénario 8, l'ingérence étrangère. Le sous-marin le terrifiant doit appareiller dans quelques jours, mais Jean Bond est un agent étranger qui veut empêcher son départ. Il recrute Mata Hatchoum, qui présente des symptômes, et lui demande de faire le tour des bars de marins. Mata Hatchoum va ensuite se faire tester, et 5 marins reçoivent une notification de l'application. Le terrifiant est obligé de rester à quai. Scénario 9, l'élève du Covid. L'élève du Covid a un contrôle de français la semaine prochaine, mais il n'a pas lu l'œuvre au programme. Grâce à une petite annonce, il trouve Monsieur Enrhumé, qui présente des symptômes et accepte de lui prêter son téléphone. Il fait passer le téléphone de Monsieur Enrhumé dans toute la classe, puis le laisse traîner en salle des profs. Il le rend ensuite à Monsieur Enrhumé, qui va voir un médecin. Le médecin constate que Monsieur Enrhumé est malade du Covid et le déclare dans l'application de son téléphone. Ceci déclenche une alerte pour toute la classe et pour tous les professeurs. Le lycée est fermé. Nous irons danser ce soir peut-être, ou bien chahuter tous entre amis. Y'a que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, l'école est finie. Les scénarios suivants s'intéressent aux possibilités offertes par le fait d'avoir le Bluetooth activé en permanence. Scénario 10, le cambriolage. Monsieur Rafletou veut cambrioler la maison de l'oncle Canard. Avant d'entrer, il utilise une antenne pour détecter les signaux Bluetooth. Il sait que l'oncle Canard utilise TraceVirus, et s'il n'y a pas de signal, c'est que la maison est vide. Scénario 11, le centre commercial. Le centre commercial La Fayotte veut protéger ses clients et refuser ceux qui n'utilisent pas l'application TraceVirus. Comme l'application diffuse régulièrement des messages, il suffit que le vigile à l'entrée utilise une antenne Bluetooth pour détecter les clients qui utilisent l'application et ceux qui ne l'utilisent pas. Denied. Pour ce scénario, j'ai juste un doute sur la facilité à le mettre en place, dans le sens où je pense qu'il faudra savoir si c'est l'appli qui envoie des messages et pas par exemple le smartphone qui utilise le Bluetooth pour communiquer avec un casque audio. Mais bon, on peut toujours imaginer un scénario où ne peuvent entrer dans les magasins que les gens qui ont le Bluetooth activé, appli ou pas, ou un autre avec une appli tierce couplée à Stop Covid qui indique qui a l'appli activée ou non. Le scénario 12 fait justement l'hypothèse d'une application tierce utilisant les données reçues par Stop Covid et qui en décuplerait les possibilités. L'exemple pris ici est une application fictive, GeoTraceVirus, qui enregistre les messages Bluetooth reçus par l'appli et les recoupe avec ses propres données de géolocalisation et d'horodatage. En fonction de la manière dont s'échange la liste des téléphones rencontrés, des informations contenues dans l'alerte et du nombre d'utilisateurs de GeoTraceCovid, parce que plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'infos à recouper, ça pourrait permettre de désanonymiser une partie des données, comme le lieu et l'heure où on a croisé une personne qui s'est déclarée malade. Scénario 12, l'application GeoTraceVirus. Peu après avoir installé l'application TraceVirus, Madame Tout-le-Monde entend parler de l'application GeoTraceVirus, qui utilise les informations de TraceVirus pour localiser les malades. Madame Tout-le-Monde apprend ainsi qu'un malade s'est rendu samedi dernier au supermarché Petit Prix, Par crainte, peut-être infondée, d'attraper le virus, elle ne fera plus ses cours chez Petit Prix cette semaine. Les scénaristes suivants parlent de collecte de données à l'insu des utilisateuristes de l'appli et de différentes façons de les utiliser. Scénario 13, l'assurance. La chaîne de supermarchés sans scrupules utilise des traceurs Bluetooth pour suivre les clients dans ses magasins. Il relie l'identification Bluetooth à l'identité réelle à partir de l'application My Sans Scrupules ou avec les cartes bancaires lors du passage en caisse. Pendant que Monsieur Lambda fait ses courses, ils peuvent simuler un contact avec son téléphone et ils seront donc prévenus si Monsieur Lambda est malade. Cette information sera transmise au service assurance du groupe. Scénario 14, le malware. Monsieur Tout-le-Monde installe l'application Chat Mignon sur son téléphone sans savoir que c'est un logiciel espion, un malware, qui l'espionne. Après avoir déclaré dans TraceVirus qu'il est malade, il reçoit un message pour le faire chanter, en menaçant de révéler sa maladie à son assurance et à son employeur, qui risque de mettre un terme à sa période d'essai. Scénario 15, la vente d'alerte positive. Don Covideon vend une application « Infecte ton voisin sur Internet ». Après avoir téléchargé l'application, il suffit d'approcher son téléphone d'une personne pour qu'elle reçoive une notification lui signalant qu'elle est à risque. Les attaques sont désormais possibles sans compétences techniques. Ainsi, M. Bookmaker compte parier lors du prochain match de Ligue des Champions. Par chance, il assistera à la conférence de presse de Ronaldo. Il mise alors fortement sur l'équipe adverse, pourtant donnée perdante à 10 contre 1. Il télécharge l'application Infecte ton voisin et approche son téléphone de Ronaldo pendant l'interview. Ronaldo reçoit une alerte, il ne pourra pas disputer le match. Son équipe perd et M. Bookmaker remporte la mise. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation des scénarii qui, je le rappelle, viennent du texte « Le traçage anonyme, dangereux oxymore » et que vous pouvez retrouver sur risquetraçage.fr. Je redis aussi que ces scénarii ne me parlent pas forcément en termes de fond. Par exemple, je trouve ça logique que les bourges se fassent cambrioler et je serais très contente que le lycée de l'élève du Covid soit fermé si ça n'implique pas ensuite le confinement de tous les gens qui fréquentent ce lycée. Mais ce que je trouvais bien dans ce texte, c'est qu'il montre à quel point ce genre d'application est peu fiable et qu'il est facile d'en détourner l'usage. Et qui sait, peut-être que ça vous donnera des idées pour faire vos propres détournements. Et pourquoi pas saboter l'appli si jamais elle voyait le jour.